te comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je te comprends pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Pourquoi jeter cette...